Bon, c'est un peu la continuité de Les méchants gagnent tout le temps, ça s'appelle Mange des guêpes. Voilà. Vous avez déjà mangé des guêpes ou pas pour goûter? Bah vous, des fois vous devriez essayer. Il n'y a qu'un seul essai. Faut pas se louper, faut la manger. Dédicace à tous les médecins, et tous les médecins qui n'ont pas pu venir, et tous les Nancéens, et tout le monde, et aux questions. Demande peut-être, ça signifie quoi? Mange des guêpes, mon gars, ça veut dire casse-toi! Et toi, petit chauvin, non, je vais pas te faire un dessin, béret, baguette et verre de vin, bien qu'elle est dans tes F1, va t'embêter, patin, et quitte ton patin, vas-y, c'est pas malsain, ou alors quitte un essai! Mange des guêpes, ça c'est un super concept! Mange des guêpes, mange des guêpes, avant on te coupe les guêpes! Mange des guêpes, ça c'est un super concept! Mange des guêpes, mange des guêpes! Ou alors tu coupes la tête, ça! Et merci au magasin Chaussea qui nous supporte pas en ne pas nous donnant de chaussures. Alors, apparemment, il y en a une qu'on n'a pas jouée. d'après ce que les gens nous disent là à gauche. Donc on va peut-être la jouer. Attends, ils disent quoi? Ils disent Lapin Billy, c'est ça? Ouais, je crois qu'ils disent ça. Ah, c'est ça! Bien vu la meuf! Merci! Merci, on avait oublié.